Donc voilà, hier soir, il y avait plein de matchs NBA et comme d'habitude, il y a plein de surprises. Donc je commence par Bulls Pacers. Donc les Bulls étaient sur le parquet des Pacers. On sait qu'ils avaient fait. Ils s'étaient battus récemment contre les Hawks, ils avaient perdu. Donc c'était sûr que les Bulls allaient perdre. Maintenant, niveau des Bulls, qu'est-ce qu'on peut retenir ouais, Zach LaVine, il a mis 27 points. Lauri Markkanen, 14-13. Et les deux combinés, ils sont en 25 points de moyenne depuis le All-Star Break là. Et ils ont 1,5% de chance d'avoir le premier tour de draft. Donc, pas mal. Maintenant, les Pacers, sur la regular season, ils ont sweepé les Bulls. Les Pacers, ce qu'on appelle un second market, en fait. C'est une bonne équipe. On n'en parle pas beaucoup. Parce que voilà, c'est pas ouf les Pacers, ça fait pas vendre. Il suffit que vous regardiez les highlights. Et dans les highlights de Bulls Pacers, où il faut montrer que les dunks de Zach LaVine ou sinon les drives qu'il met. Alors que dans ce match, il s'est fait contrer. Dans ce match, ces Pacers, ils ont une super équipe. Ils ont un super banc assez profond. Ils ont des super joueurs. Même sans Victor Oladipo et Domantas Sabonis, ils arrivent à gagner. Et dernière fois, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que pour voir c'est qui fait un bon défenseur en NBA, il fallait prendre ses stats de steals, ses stats de blocks, donc les additionner, et soustraire ses PF, ses personal fouls, donc le nombre de fautes qu'il fait. Et là, ça donne une idée d'un bon défenseur, donc les deux premières catégories de stats, qui arrive à défendre sans faire de faute. Donc Anthony Davis, il était largement au-dessus. Et juste après, on avait Miles Turner. Miles Turner, là, il est à 5 blocs. Donc s'il y avait un quelconque pari pour mettre hier soir, est-ce qu'il mettait des blocs ? Ouais, vous auriez dû le faire. Il a 5 blocs ou... j'ai contrôlé 5 blocs sur ce match. Et après, voilà. Donc les Pacers, ils continuent. Et ils feront un super contender pour les playoffs. Maintenant, on va checker Magic Sixers. Je me disais que ouais, les Magic, ils avaient un mois de faire un truc. Maintenant, le problème, c'est que le Vooch, il n'était pas top. Et surtout, quatrième quart-temps, ils ont sont fait manger. Ils avaient amorcé une sorte de comeback, mais les Sixers ont gagné. Maintenant, que dire des Sixers ? Joel Embiid toujours out à cause de son genou. Tobias Harris, il met ses 20 points. Après, si on parle tout le temps, on revient sur le coaching de Brett Brown. Brett Brown, il fait un super coaching sur ce match. Mais là, ouais. On va écouter. En conférence de presse, je vais laisser parler mon psychopathe préféré de la NBA, Jimmy Butler. As we see with this team, you know, we've had trades and this and that, it takes time just to click, everybody is solid, I just think everybody likes each other, everybody gets along, I can see you as my brother, by the way, and he does like me a lot, he's my friend, everybody's in constant communication, especially out there on the floor. Even off the floor, we like being around one another. Everybody's smiling. I think that's the best part about it. When you got good people, everybody's happy, everybody's smiling. The basketball is easy. No more. Donc voilà, un super discours policé de Jimmy Butler. Donc tout va bien à Disneyland. Donc s'il y a un drama ce temps-ci en NBA, c'est ce qui se passe dans les locker rooms. Donc là, il dit que le locker room des Sixers, il va bien. Après, qui dit qu'il ne fera pas comme à Minnesota, il ne débarquera pas à l'entraînement en disant que personne ne bosse pas. Et il pètera un gigaplomb comme il a l'habitude de le faire, les Sixers. Mais bon. Rockets-Raptors. Moi, j'avais prévu... Je me disais que les Rockets, ils allaient perdre sur le terrain des Raptors parce que Kawhi Leonard allait revenir et tout. Les Rockets, ils avaient battu les Celtics et tout. Et ben non. Victoire des Rockets. 34 points. 34 shoots à 3 points, les Rockets. Donc ils les mettent, donc ils gagnent. Mais je vais retenir sur les Raptors parce que ils ont un peu le même problème que Denver, hein, les Raptors. C'est ce qu'on appelle... l'expérimentation au Denver Nuggets, c'est l'expérimentation Isaiah Thomas qui est une catastrophe. Et là, c'est l'expérimentation Jeremy Lin dans la rotation. Et on peut faire un parallèle avec ça. C'est, s'ils ont perdu contre les Warriors, c'est que le banc, la seconde unit des Raptors, elle était super faible hier soir. Donc du coup, pas assez pour battre un contender. Et ce qui est un parallèle assez saisissant, parce que si on check le prochain match, Blazers, c'était Grizzlies. T'as, dans le Grizzlies, donc on se rappelle du trade, t'as Delon Wright qui met 25-4-1, et Jonas Valanciunas, il met 17 points, dont 6 sur 7. Donc, s'ils avaient besoin de profondeur de banc, maintenant, pourquoi ils ont fait ce trade ? Bon, après, moi, je pense personnellement que récupérer Mike Gasol, c'était vraiment un asset important. Maintenant, je sais pas. Pour les Raptors, Kawhi Leonard, apparemment, les critiques sont abattues sur lui. Il fait moins de boulot défensif et il est mal switché sur la défense, sur Harden et tout. Mais bon, je pense que on verra. Donc, Trailblazers contre Grizzlies. Eh ben ouais. Parce que les Blazers, ils avaient fait un giga road trip, là, ils étaient fatigués. Et donc voilà, ils perdent contre ces Grizzlies. Hein. Mike Conley, pareil, c'est un super joueur, Mike Conley. Il aurait pu être un giga all-star. Mais c'est parce qu'il est dans ce qu'on appelle le second marché NBA. Il n'est pas sur les spotlights. Et voilà, donc lui, ben. 40 points, record carrière. Victoire des Grizzlies. Thunder Timberwolves. Donc le Thunder, il se déplaçait sur le terrain des Timberwolves. Et le Thunder, ben, ils perdent. Parce que au team, t'as Karl Anthony Towns qui a vu la lumière après son accident de voiture, son non-accident de voiture. Et qui pose des stats assez impressionnants hier soir, hein. 41-14-1. Donc voilà, le Thunder qui retombe dans leur travers. Pourtant, il y avait Chris Paul. Et après, le problème du Thunder, c'est qu'ils n'ont pas de défense. Début de saison, ils étaient 4e meilleure défense de l'NBA. Puis avant le All-Star Break, ils sont passés 17e meilleure défense de l'NBA. Donc il y a eu un effondrement, là ils sont là 22e sur 22e en defense rating, mais voilà, donc s'il n'y a pas de défense, il n'y a que des défaites à l'ouest sans défense. Maintenant, après, on finit par ce match, le match de la soirée qui était diffusé sur la télévision nationale là, donc 6 Warriors. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Parce que les trucs importants, c'était ce qui se passait dans le locker room des Seas. Parce que tu avais Jalen Brown et Kyrie Irving. Surtout Jalen Brown, il avait dit que le locker room des Seas, il était toxique. Du coup, il n'y aurait pas d'entente entre les joueurs et ça se reflèterait sur le terrain parce que les joueurs ne sont pas obligés de s'entendre. Il suffit de regarder les Chicago Bulls, les Bulls de Jordan. Ils n'étaient pas. Michael Jordan n'était pas super pote avec Scottie Pippen, encore moins avec Dennis Rodman. Lui, dès qu'il avait un temps libre, il allait faire du catch. Mais c'était. Les joueurs, ils ne sont pas obligés de s'entendre. Et pourtant, ils ont une. ils ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, le problème des 6, c'est que si les joueurs ne s'entendent pas, et t'as, je le répète encore, Brad Stevens, qui sait pas gérer, qui sait gérer une équipe de NCAA, mais il ne sait pas gérer des égos de superstars NBA. Donc ça se fait que, voilà, maintenant ils ont gagné les 6. Est-ce qu'ils gagneront après? Je ne sais pas. Moi, tu vois, moi, à l'Est, le champion, ça va être Milwaukee. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça va être entre Milwaukee et Toronto Raptors. Maintenant, j'aime bien la littérature. Il y a les fans des 6, ils font des fanfics. Je vais vous le lire en anglais. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire des 6 en grande littérature américaine. In the toxic locker room right after before the game, Hayward screamed, "Look at me," at his teammates. Silence fell on the room. He then proceeded to wallop himself over and over in the eye until Kyrie Irving and Jaylen Brown rushed over to intervene. Collectively, the team broke into cheers and hugged each other for a solid 5 minutes. The season was never the same again. Putain, ça c'est la grande littérature, ça. Et voilà, maintenant, les Warriors, bon, mais ils ont perdu, mais les Warriors, qu'ils arriveront en play-off, c'est là, je pense, qu'ils fracasseront tout. Est-ce que Houston, il sera assez fort pour battre ces Warriors? Pas sûr.